Tu n'es pas de la mif, tu ne mérites pas d'être en caractère gras dans mon répertoire. Le seul point positif de ma nuit blanche, c'est que ça m'évite de rater la prière d'El Fajr. Pas de cadeau, tu ne l'as pas mérité. Ton visage illumine que dans tes futilités. Trouve-moi un bon plan pour revendre mon cœur, car dans ce monde il m'aide aucune utilité. T'imagines même pas tout ce qui m'anime, juste pour la rime, Tony et Mani. Quand tu perces la monnaie, te tutoies les plus rusés, la claque avec parcimonie. J'évolue dans Paris, y'a de la drogue et des timbres. Les Français manifestent avec le ventre plein. Viens dans le golf Harry. Viens voir comment la vie d'une allumeuse s'éteint. Si tu fais appel à moi, mets mon logo dans le ciel. Car à l'heure qu'il est, j'ai dû changer de lume. J'ai changé de lume. Je suis de ceux qui visent le soleil juste pour vexer la lune. Tu t'inquiètes pas pour l'avenir de tes filles. Ton taf, ta passion passe avant ta famille. J'ai vu tes larmes pour la première fois le jour où Dieu a brûlé l'intégralité de tes vignes. Afrique, Est, Ouest, Bamako, Gorée. Une petite pensée pour le nord de la Corée. C'est au Feng Cheng pour le large. Car l'Europe lui propose une vie un peu plus colorée. Mes péchés sont au nombre de quelques milliers. Dounia, je t'aime, je peux pas le nier. Lors d'un crash, les gens de la business et de la first dégustent les premiers. J'ai pas pris le mur, c'est le mur qui m'a pris. Je te présente la vie, qu'est-ce qu'elle est dure. Posée sur la roche qui a servi à maintenir 616 ans, Excalibur. La vérité sort de la bouche des enfants. Commence Veski, demande à Wesolowski. À 160 dans le virage, mais Schumacher a frôlé la mort juste en allant ski. Ils sont tous coupables, mais reste à le prouver. Ils ont baisé le monde et ensuite l'ont prouvé. Les preuves contre eux sont introuvables comme les fiches de paye d'une prostituée.